Et voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Le nom de ma collègue de 40 minutes tantôt, elle me boile en face. Hey, je sais. Ben, je crois sérieusement que c'est le froid qu'il y a dans les studios qui fait en sorte que je m'endors. Il fait genre 17 dans le studio, mais on a l'impression d'être en train de faire l'émission live de The War. Oui, parce qu'il y a de l'air climatisé dans les studios c'est présentement, ça, gang. Mais justement, pour se mettre encore plus dehors, tellement il fait froid, oui. Accueillons une nouvelle chroniqueuse plein air. Ça tente dessus? Voici Catherine Langlois, la chronique du Club plein air. Écoutez, air. Bonjour, bonjour. Donc, laisse jouer ton intro de chronique. Check ça. Gamin. Tu vas descendre une pente. Je sais pas si tu vas entendre du corridor, là. Fais bien ça. Ça sent rien. C'est une intro de chronique. Hey, je l'ai pas entendu vraiment, là, non. Vu que j'ai pas de casque, mais ça semblait vraiment intéressant avec la mimique que t'as fait. J'ai adoré. Ouais. Tu vas voir, quand tu vas la réécouter, tu vas faire « Wow, mais je veux revenir dans deux semaines exactement faire la même chronique! » Bon, ben c'est parfait. On va commencer. Je vais vous expliquer d'abord là, le comité UQTR. Oui. Toi, tu le prononces UQTR, là, qui prononce UQTR. Parce c'est que c'est... ça. Si c'était UQTR, ne serait-il pas UQTERR? C'est une bonne question. À vous, Je pense qu'il faudrait questionner le président là-dessus. Il est un peu bizarre, parce que si c'était UQTR, moi, je mettrais TERR. Ouais, mais R et A, ouais. Ouais, c'est sujet à débat. C'est sujet à débat. On l'a eu l'année passée aussi, ce débat. Ah. Parce que moi, je suis sûr que j'ai raison. Mais on va dire UQTR, alors. Ouais, UQTR ou UQTR. On peut dire les deux. Moi, peu importe, on va comprendre. D'accord. Donc, premièrement, ben, ce comité-là, c'est quoi? Ouais. Pour les personnes là, qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un comité où est-ce qu'on veut favoriser par rapport aux activités de plein air. Donc... on veut offrir à la communauté étudiante vraiment des activités, autant des petites activités qui vont se pratiquer sur le campus que des activités qui peuvent se faire là, tout le long d'un week-end. Mm-hmm. Notre programmation va sortir là, bientôt, donc d'ici quelques jours, sur la page Facebook que l'on a, donc Comité UQTR. Et également, là, on va mettre le lien sur le site de C'est fou là, par rapport à notre comité. Bien sûr, oui, on va faire du partage. Oui. Donc là, depuis le début de la saison, il y a quand même eu au moins l'activité, au moins une activité que j'ai vue passer, le slackline. Exactement. Oui, oui, ça c'est vraiment une activité populaire. On en fait là minimum deux fois sur le campus par session. Okay. Donc le principe est simple, ce sont des lignes, là, des cordes. Oui. Entre deux arbres. Oui, entre deux arbres, le principe est ça. On en a des basses, donc des slackline ou des highline qu'on dit. Okay. Ceux-là sont vraiment mis en hauteur, mais ça reste pour les professionnels là, un peu plus. Les amateurs, on les conseille pas de faire ça. Là, est-ce que tu as l'activité Captain Eyeliner aussi, où là tu manges des bâtons de poisson? Ça serait bon, ouais. Ça. Ouais. Moi, ben, j'irais à ça. OK. Mais ben, là, on va le prendre en note, ça, c'est sûr. À ce moment-là, ben, la dernière fois, on avait offert de la petite soupe aussi. Ah. Donc, du thé, de la soupe, là, il y a beaucoup de monde, la musique, des choses comme ça. C'est des activités, on va en faire une autre là, d'ici deux semaines, justement. Donc, cool. Ils vont pouvoir il va faire rester plus froid à la un peu. Oui, un peu plus froid, ça, c'est certain. En tant que tel, la slackline, là, l'idéal, c'est de la pratiquer quand vous êtes nu-bas ou nu-pied. Oui. Ça l'aide pour l'équilibre, mais là, avec le temps froid, il va falloir mettre là, des souliers. Mais s'il y en a qui y pensent tout de suite, amenez-vous des souliers à semelle souple. Ah, bonne idée. Bien ça. Important. Sinon, combinaison puis des bas de laine, là, vous allez être chic sur le campus. C'est ça, exactement. Deux, trois épaisseurs avec du poivre dedans, là. C'est comme le truc de grand-mère. Hey, ça fonctionne, ça. Oui, ça fonctionne vraiment. Cool. Moi, quand j'étais jeune. Tu peux faire éternuer des pieds, ça? Non, ben après ça, c'est dur à laver, par oui. exemple. Okay. C'est du petit poivre dans les orteils, là. C'est pas la grande classe, mais ça marche. Eh ben. Ça, c'est certain. Ouais, ça garde les orteils au chaud. J'aurais jamais pensé. Petit truc de plein air. Exact. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres activités que j'étais pas au courant, à part le slackline depuis le début de la saison? Oui, ben on a eu le yoga en plein air. Oh oui, c'est vrai, le yoga. Oui. Je me rappelle, on a parlé dans un campus, tellement on est hot. Exactement. Donc, on a eu un professeur de yoga, un peu plus yoga athlétique, qu'on peut dire, mm-hmm. là. Un peu plus pour bouger. Donc, ça s'est pratiqué juste à côté du pavé. C'était ouais. vraiment là, super intéressant. Encore là, une fois, on avait du thé, des choses comme ça là, pour accompagner l'activité. Ça s'est passé environ sur une durée, je dirais, de 45 minutes. Donc, les personnes qui voulaient participer là, contribuaient 5 $. Ils avaient amené leur tapis. Pour le reste, c'était vraiment le professeur là, qui prenait le lead de l'activité. Mm-hmm. Ça, donc, pas de poivre, pas de nu-pieds, rien? Le poivre était quand même recommandé ouais. parce que ça s'est fait dans une journée vraiment froide. Mais reste qu'avec le plein air, là, c'était super. Puis comme c'était un yoga plus athlétique, ça permettait aux gens d'avoir chaud quand même, même si c'était dehors. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, que vous avez donc manqué, mais j'imagine qu'il y a d'autres activités qui vont s'en venir. Est-ce que tu as un petit avant-goût à nous donner des activités que vous faites à chaque année ou des trucs récurrents? Ben oui, c'est sûr. Donc en tant que tel, on a toujours nos fins de semaine de ski. Ski, snow, donc on s'en va là, par exemple au Massif, au Montfort, des monts comme ça, où est-ce qu'on fait une fin de semaine dans un chalet. Puis ensuite, on a également des conférences plein air qu'on va faire. C'est sûr que là, je dévoilerai pas les thèmes et tout de suite. Non. Mais d'autres petites activités également là, pour des journées, on peut parler, peut-être là, on est en train de penser arbre en arbre, des choses comme ça, là. Mais je pourrais pas en dire plus pour l'instant. Okay. Oh, on va se renseigner sur Facebook. C'est ça, exactement. Voir le calendrier. Donc, est-ce que tu as un sujet à nous présenter aujourd'hui dans ta chronique, Catherine? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai pensé un peu aux personnes là, après les intras, donc la mi-session qu'on sait qui commence aujourd'hui. Mm-hmm. Bonne chance à tous. Oui. Donc, après, on a une semaine de relâche, donc une semaine de lecture. Il y en a beaucoup qui s'envolent pour le Sud. Oui, donc, qui étudie très, très fort dans le Sud. C'est ça, exactement. Grosse semaine de lecture. Alors, moi, j'ai pensé comment être un touriste quand même responsable, ouais. Même si vous allez dans les tout-inclus. OK. Donc, on va en parler un petit peu. C'est sûr que, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est compenser nos émissions de CO2. Ah! Okay. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent. Annuler ses traces. Compenser, ben oui. Exactement. Donc, on le sait, là, pour aller à Punta Cana, ben, on peut pas vraiment y aller en auto, en train ou encore à vélo. Hein? Mm-hmm. Fait qu'on le fait ça en avion. En tant que tel, il y a des organismes qui se chargent de faire ça. Donc, comment eux, ils compensent? C'est qu'avec une petite somme d'argent, qui peut soit être par... volontaire, la contribution volontaire, ou vraiment établie par un calcul de combien vous avez consommé pour quel transport, quelle distance. Ça s'appelle notamment, là, il y a Action Carbone. Donc, je vais mettre les liens là, sur la page Facebook du QTR un peu plus tard aujourd'hui. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, eux, ils vont planter un arbre et faire là, des actions pour essayer de changer le fait que vous avez vraiment là, utilisé beaucoup de CO2. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai fait un petit calcul. J'ai dit, ah, ben, admettons un aller-retour en avion Montréal-Punta Cana. Un classique. C'est ce que tu vas faire, j'imagine, pendant non, la semaine? Non, okay, du tout, okay. Même pas. Hey. Ah. Si seulement. Oh, c'est ça. C'est pas un fait vécu. Non, mais j'ai pris un cas classique, là. Donc, je l'ai fait en avion, le petit calcul, pour une personne. Le montant qu'il fallait que je débourse, qu'eux, ils disaient que ça va vraiment rembourser là, toutes vos émissions de CO2, mm-hmm. C'était, bon, 28,74 €. OK. Fait qu'on compte environ le double, là, ouais. Si on parle en canadien. C'est sûr qu'au début, je me disais, c'est quand même beaucoup. Tu sais, on s'entend-tu ouais. Pour un budget étudiant autour de 30 $ là. Mais après ça, il y a toujours une petite justification qu'ils vous mettent pour dire, ben ce montant-là, il représente quoi? Ça, ça a été vraiment intéressant. Ça dit que c'est 0,8 fois ce que la Terre peut supporter par personne, par année, pour stopper l'accroissement de l'effet de serre. OK. Ben là, tu dis que juste ton aller-retour Punta Cana, là, c'était vraiment trop pour la planète. Juste le tien, une personne. C'est ça, là. Alors qu'il y a plein de gens dans l'avion. Mm-hmm. Il y a exactement. Plein d'avions. Ouais, c'est ça. Okay. Exactement. Fait que ça conscientise un petit peu. Un petit peu. Ça l'aide toujours. Là, il y a d'autres choses aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Puis je sais que mes amis me trouvent vraiment fatigante avec ça. Parce qu'à chaque fois qu'ils partent dans le sud, je le répète. Ouais. Il faut acheter une bonne crème solaire. Ah oui, mais ça, je suis d'accord. Là. Mais étonnamment, là, pour être responsable, quand j'entends bonne crème solaire, c'est pas nécessairement là, pour la peau. Avec, admettons, en prenez une 40 ou une 50. Ouais. Là, c'est pas ça que je parle. Donc, en tant que tel, on sait que les touristes ils aiment vraiment ça aller voir les bancs de coraux. Par exemple, en Australie, la Grande Barrière de Corail, choses comme ça. Dans le sud aussi, là, la barrière au Mexique. C'est vraiment populaire. Par contre, eux, ils vont, ils se crèment, là, ils se baignent jeune. Puis là, ils vont se baigner. Mais l'affaire, c'est que ça laisse un dépôt sur les bancs de coraux. Ça nuit vraiment aux habitants là, des... dans le fond, les espèces marines qui vivent là. Passe-coraux, comme on dit. Passe-coraux! Excusez-moi. Tania. Ben oui. Ben oui. Exactement. Vous la trouvez bonne. Ben, elle était bonne. Ah, merci. Elle était vraiment bonne. Je cherchais pas votre approbation en disant ça. Donc, petit fait intéressant aussi. Ben, à chaque année, on estime qu'il y a plus de 4000 tonnes de crème solaire qui se retrouvent dans les mers partout dans le monde. Ouh, c'est beaucoup. Oui. Fait que là, on se dit, ouais, ça fait quand même pas pire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, il y a des sortes de crème solaire. Donc, avec des ingrédients dedans qui, eux, ne nuisent pas puis ils ne laissent pas de dépôt sur les bancs de coraux. Et qui sont aussi efficaces. Exactement. Aha. Donc, tu n'auras pas de coup de soleil. C'est important. Mm-hmm. Oui. Donc, ça limite là, les impacts sur les écosystèmes marins. Il y en a une que c'est la meilleure au monde. Là. Ça s'appelle EVOA. Donc, E-V-O-A. Mm-hmm. pour ceux qui sont vraiment motivés. C'est sûr qu'elle coûte un petit peu plus cher, la dispendieuse. Elle a été élaborée par un surfeur. Donc, vraiment, là, elle a réussi tous les tests par rapport au niveau là, écologique. Elle ne fait aucun dommage par rapport aux écosystèmes marins. Mais, comme j'ai dit, elle est un peu dispendieuse. Pour monsieur, madame, tout le monde qui voudrait quand même faire sa part puis dire, ben je veux y aller, mais je veux pas nécessairement là, détruire les bancs de coraux. La roche posée. Donc, on connaît toute cette marque-là. Oui. La crème solaire, celle-là, elle fonctionne aussi. Dans le fond, toutes les crèmes solaires, où est-ce qu'il y a un filtre minéraux avec zinc et titane, ben c'est sans danger. Mmh. Fait que juste à retenir ces ingrédients-là, peu importe la marque, là, je vous ai dit la roche posée, mais il y en a d'autres. C'est vraiment ces ingrédients-là là, qu'on recherche. Puis ça vous fait de la lecture pour votre semaine de lecture. Derrière la bouteille de crème solaire. Ben, exactement. Oui. Une petite lecture préparatoire. C'est ça. Pendant l'avion. C'est quand on fait des émissions de CO2. C'est ça. Voilà. Oui. Hey, ça serait pas pire de faire une émission de radio, genre émission de CO2. Ou pas, hein? Ouais, peut-être pas. On peut y penser. C'est ça. Ouais, OK. Ben, on va passer au point suivant. L'émission sans émission serait pas pire comme nom. Moi, j'avance des projets de même, mais qu'est-ce que jamais. On est avec Catherine Langlois, on parle de plein air aujourd'hui. Et là, on parle de petits conseils à faire en voyage, puis pendant la semaine de travaux et d'études. Exactement, là, pour les chanceux qui vont partir dans le sud la semaine prochaine. Mm-hmm. Ou encore là, pendant le temps des fêtes, mes conseils, là, ça va fonctionner quand même. Parfait, on va rediffuser cette chronique-là dans le temps des fêtes. Bon, ben c'est parfait. Donc ensuite, au niveau des souvenirs. Ça paraît peut-être là, un peu léger. On le sait tous, les souvenirs, là, quand on arrive dans les places publiques dans le sud, il y a 10 millions de choses qu'on peut acheter, là, des porte-clés, des petits tabias, des bracelets, des serviettes de plage marquées le nom de la ville. Oui. Plein de choses. Les clichés sont tous là. Exactement. Donc, le petit conseil, c'est juste de ne pas oublier de se tourner plus vers les objets qui sont fabriqués donc locales, les artisans. Vraiment regarder. OK, ramenez les artisans chez vous. Ah, ben oui. Ramenez une personne de là-bas. Ben oui, vous payez leur émission de CO2. C'est ça. Vous les ramenez dans l'avion. Pas trop. Voilà. Donc, en tant que tel, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez voir, là, il y a toujours les petites tables avec les objets qui viennent probablement là, de Chine ou autre. Oui. Mais vous avez les artisans aussi là, qui font les toiles à la main. Vous avez les sculptures, vous avez les choses. Tournez-vous vers ces gens-là. Premièrement, là, le trois quarts du temps, ça va être des gens qui vont être super ouverts. Puis qui vont vouloir vous expliquer leur art. Mm-hmm. Donc, en tant que tel, vous allez pouvoir apprendre. Et l'expliquer après ça à la personne à qui vous allez donner peut-être le petit cadeau. Exactement. Vous allez avoir une histoire à raconter autour du cadeau. Puis non, pas genre, c'est un dé à coudre. T'sais. Voilà. Là, l'histoire est finie, c'est plate. C'est comme un aimant à frigidaire. Ouais, il n'y a pas grand-chose à expliquer autour de ça. C'est ça. Ça aimante. Ça colle. C'est cela. Mais j'ai pensé à toi. Voilà. Le dernier jour, parce que j'étais forcé à ramener des cadeaux, parce que les gens se sentent obligés de ramener des cadeaux tout le temps. C'est ça. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'en ramener, mais au moins quand vous voulez en ramener là, ou que vous vous sentez vraiment obligé, allez vers les artisans locaux. Parce que de plus, ça va favoriser là, l'économie locale, ça va les faire vivre, ça va être super. Puis en plus, on s'entend, c'est tellement plus beau qu'un petit porte-clés. Ouais. Une belle toile, il n'y a rien de mieux que ça. Ensuite, petit fait intéressant, puis ça, on a tout ce tic-là, là, même si on ne va pas dans le sud, tout le temps à l'hôtel. Mm-hmm. On gaspille-tu les serviettes pas à peu près? Oui. Tout le temps. On a l'impression qu'il faut qu'on la change aux deux heures. Tu sais, ça a juste pas de sens. Mais là, on pense jamais à la lessive, à toute l'eau qui est utilisée pour ça en arrière de ça. C'est vrai. Ouais, on n'a pas tendance. On dit juste, ah, ben, je vais la changer. Il y a eu un peu de sable dessus. Je vais enlever ça, tu sais. J'ai échappé un peu de ketchup, des choses comme ça. Bref, bon, ça, vous pouvez la changer, là, mais... fait que ça serait important de ne pas la changer tous les jours. Tu sais, gardez-la peut-être là, deux jours quand même. Je comprends que dans le sud, on l'utilise vraiment beaucoup. Fait qu'on la gardera pas une semaine comme chez nous. Mais ça serait vraiment important là, par rapport à la consommation d'eau pour l'hôtel. Oui. Donc, ensuite, petit point, les excursions. Parce qu'on sait que dans les tout-inclus, là, quand on y va, il y a 10 millions d'excursions et de choses qu'on peut faire. Autant plus folles les unes que les autres, comme le petit bateau banane, on s'en rappelle. Mm-hmm. Le bateau banane? Le bateau banane. Banana boat? Oui. Comme la crème solaire? Ben, un peu, mais elle est pas bonne comme crème solaire. Non. Okay. Il faut pas. Non. On prend des roches, pas des bananes. Ouais, c'est ça. La roche posée. Exactement. Mais est-ce que tu sais c'est quoi la banana boat? Pas tout. Non, OK. Je m'excuse de mon ignorance. Mais il n'y a aucun problème. Dans le fond, c'est une activité, là, les touristes, ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Là. C'est, comme, mettons, un long tube qui ressemble à une banane. Okay. Donc, le principe est là. C'est jaune, puis il y a des poignées. Donc, ils peuvent s'enligner peut-être quoi, 8 personnes dessus? Ouais, je pense environ. Que fait qu'ils sont assis à cheval sur la banane, puis ils se font tirer par un bateau. Ah, okay. C'est ça. Fait que le principe est ça. Ouais. C'est pas extrême comme sport, mais très, très populaire. Mm-hmm. Donc, moi, ce que j'explique par rapport aux excursions, c'est sûr qu'on peut faire des virées en jeep dans la jungle, qu'on peut faire plein de trucs, partir en catamaran, faire du ski nautique, des choses comme ça. Favoriser les embarcations non motorisées. Ça, ce serait super. Donc, c'est sûr qu'on part toujours, il y a des cours de danse dans les complexes hôteliers. Il y a également là, du paddleboard qui est super populaire ces temps-ci. Mm-hmm. Si on avait regardé cet été, il y a vraiment eu un essor au Québec. Donc, ça, c'est non motorisé, c'est super bon pour l'environnement dans le sens où on fait aucune pollution. Puis également, là, on peut faire du voilier. Ça, ça peut être parfait là, pour les personnes qui trippent vraiment sur l'eau. Puis la marche en forêt aussi, des excursions comme ça là, qui dessinent, ça peut être super. La marche en forêt, c'est sûr que plus vous êtes un petit groupe, mieux c'est. Par rapport à la végétation, là, ça, c'est vraiment important parce que vous allez moins détruire, moins laisser de traces. On s'entend, s'il y a un groupe de 60 personnes qui rentrent dans la jungle en même temps, ça risque de faire c'est pas mal plus bon. De dommages. Oui, c'est ça. Fait que ça aussi, on peut regarder ça. Puis, ça, c'est sûr que c'était pour les choses qu'on pouvait faire dans le sud. Alors, on répète, là, il y a la crème solaire qu'on peut regarder par rapport à la roche posée ou encore là, les autres marques quand il y a du zinc et du titane. Ça, c'est bon par rapport aux filtres minéraux. Puis ensuite, les serviettes de plage, c'est vraiment important. Ça, on les récupère. Mais j'ai pensé, c'est pas tout le monde qui a les moyens non plus d'aller dans le sud pendant la semaine de lecture, comprenant moi. Donc, j'ai pensé là, à ceux qui seraient plus du genre randonnée de montagne. Donc là, on viendrait rejoindre là, vraiment notre comité. On peut faire là, des petits rappels. Donc, quand vous allez, par exemple, là, monter un mont, attendez toujours là, à l'accueil. Allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Informez-vous sur la situation. Donc, OK, est-ce qu'il y a des animaux qui sont présentement en période de reproduction? Est-ce qu'il y a des nidifications, des choses comme ça? Des secteurs où est-ce qu'il faut moins aller par rapport à des espèces là, qui seraient en danger ces temps-ci? Donc, vraiment prendre les informations. Et souvent, là, on a tendance à vouloir gravir la montagne le plus vite possible puis s'en aller. Faites une petite pause avant, là, allez voir puis vous informer. Tu veux pouvoir amener ton popcorn pour regarder les animaux copuler, ça. Exactement. Ça, c'est pas cher. Mais c'est bien important de ne pas faire de bruit, par exemple. C'est ça. Avec du respect, tu sais. Et voilà. Regarder copuler avec du respect. Ouais. C'est toujours important. Regarder copuler avec du respect. Dis comme ça, là. C'est ça. On filme, mais sans flash. De... Ouais. Tout en subtilité. C'est ça. Ouais. Donc, également par rapport là, aux espaces de camping. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment important. Quand c'est établi, les espaces là, où est-ce que c'est zoné et tout, ça, c'est correct. Respectez-les. Donc, essayez pas de vous faire vraiment un terrain incroyablement géant. Là, parce que des fois, il y en a qui se disent « Bon, ben, on va faire un chapiteau. » Puis là, ils sont vraiment motivés. Là, une tente pour la cuisine, une autre pour la toilette, une autre pour coucher. Un château gonflable, puis c'est des ça. Enfants, tout ça. Exactement. Je sais même pas comment ils font pour pas partir en camping avec un semi-remorque. Donc, ça, c'est vraiment important. Quand c'est des zones sauvages, parce qu'il y en a qui trippent vraiment camping sauvage, c'est le contraire. Donc, dispersez vraiment là, le plus possible. Parce que comme ça, bien, vous ne créez pas d'emplacement de camping, puis vous détruisez vraiment moins la végétation. Donc, on essaye là, de s'éparpiller. Puis également, si on est proche des cours d'eau pour camper, c'est vraiment recommandé de camper à plus de 70 mètres. OK, d'un cours d'eau. Exactement. Donc, c'est sûr que des fois, on aime ça, là, parce qu'il y a la plage juste à côté. Fait qu'on se dit, bien, on plante notre tente à 2 mètres. Mais le plus possible, éloignez-vous un petit peu. Autant pour les espèces que pour également là, la conservation des cours d'eau et tout. Parce qu'il y a des déchets qui vont se ramasser là, on le sait, puis on ne fait pas attention des fois. Là, on s'en rend pas compte. Ensuite, petit sujet intéressant que Charles, je pense qu'il avait parlé avec toi l'année passée. Ça, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à vos excréments. Ah, je savais que ça allait être ça. Eh oui! Tu parlais tout le temps de caca, Charles-Antoine. Tout le temps. Oui. Bon. Tu continues la bonne tradition. Et voilà, on va juste en parler un petit peu, par exemple. Là, je ferai pas une chronique au complet sur ça, mais c'est important. On sait jamais trop où faire caca dans le bois. C'est comme un peu ambigu. Tu sais, on se dit, ben, on veut se cacher des gens. Ambigu. Ambigu. Ok, excuse-moi. Ouais, non, jamais. Ambigu. Ouais. Beau jeu de mots, belle tentative. Merci, ben, ça fait plaisir. Ça. Donc, c'est ça, c'est toujours ambigu. On veut se cacher en arrière d'un arbre, puis on n'est pas trop à l'aise, puis ça se passe mal. Puis en tout cas, pour ceux qui n'ont pas amené de toilette sèche, le but. Traînes ta toilette sèche? Tu peux traîner ta toilette sèche? Ouais, ben oui. Ou il y en a qui traînent des chaudières, hein. Ça aussi, ça se fait. Ouais. Juste une bonne grosse chaudière, puis après ça, tu vides ça. Tu suis l'ours, parce que je pense qu'ils ont tout le temps du papier de toilette, selon les pubs à TV. Ah, ben les oui. Ils ont tout le temps du papier de toilette. Ben oui. Mais... Puis en plus, ça reste pas pogné, tu sais. C'est ça. Ce qu'ils disent dans l'annonce aussi. C'est vraiment important. Donc, on creuse un trou, bien important, là, avant, là, 15 à 20 cm de profond. Fait que là, c'est sûr qu'on n'amènera pas une règle en camping pour dire « Oh, est-ce que mon caca est enterré assez profond? » Amener ces règles en camping, pas une bonne chose non plus, faites attention à ça. Ah oui, pourquoi? Les filles, je parle. Ah, ok, ah, ouais. Ben oui, c'est une joke. Ah, ben oui, bon jeu de mots. Ouais, on essaye, mais on prévoit pas tout le temps ça, par c'est exemple. C'est ça, ben ouais. Ouais. Fait qu'on creuse le petit trou, on y va, puis ensuite, on... excusez, j'ai une grippe, là, je me suis étouffée avec moi-même. Donc, on creuse le trou. C'est vraiment important que ça soit aussi à plus de 70 mètres de tout campement, cours d'eau, sentier aussi pour l'odeur, ça, on s'entend? Ouais. Fait qu'on creuse, on referme, puis ça va disparaître, puis ça va être parfait. OK. Fait qu'on fait la même chose aussi pour l'eau souillée. Fait que, mettons, l'eau de vaisselle, peu importe, là, qu'est-ce que t'as fait des pâtes, des choses comme ça. Tu creuses encore un trou, là, puis le truc, là, t'en fais un très gros, puis tu mets tout dedans. Oui, ben oui. Puis ça va être correct. Tu refermes là, à la fin de ton camping. Mais si tout le monde suit les règles, ça va faire que tout le monde va avoir à peu près fait son trou partout à la même place. Fait que quand tu vas déterrer, c'est ça va te déterrer la merde de l'autre avant. C'est plate un petit peu. Ouais, ouais ça. Ouais, c'est pas un calcul trop exact. Parce que si tout le monde est exactement 70 mètres du cours d'eau, ça va faire un seul trou pour ça. C'est plate. Juste ça. Ouais. Attention. Ouais. En même temps, le cours d'eau, j'imagine qu'il continue sur une coupe de mètres. C'est ça. Sûrement. Ouais, j'imagine. Tu sais, le cours d'eau est juste un rond. Ouais. Il est juste un point. Mais en tout cas. C'est vrai. Fait que, on va arrêter de parler de caca. C'était ma petite parenthèse là, par rapport à ça. Donc, on n'oublie pas, on enterre, bien important, on referme, puis on met ça bien loin de tout. C'est réglé. Voilà. Donc, ensuite, quand on fait des feux, parce qu'on aime vraiment ça faire des feux en montagne, on le sait, en forêt, là, c'est le trip de tout le monde, avec une petite guitare en plus, c'est toujours le fun. Fait que ça, c'est le genre d'activité que vous pourriez retrouver dans nos activités de fin de semaine. OK. Ouais. Quelle chanson allez-vous chanter? Ah, mon Dieu, toutes les classiques québécois. Okay. Également, là, je pense qu'on a pas mal des fans de country dans le comté. Ah ouais, hein. Ouais. Fait que ça se peut là, que ça vire sur le country pas mal. Okay, okay. Genre de Luke Bryan et des choses comme ça. Là. Un classique. Parle-en à Tania, elle la connaît ça, le country. Ouais, elle connaît je ça. Je surtout Luke Bryan. Luke Bryan. Ouais, hein. Ah, d'abord Luke Bryan. Oh my god. Ouais, non, même si t'aimes pas le country, je pense que toutes les filles ouais, connaissent Luke Bryan. Bon. Ok. Sauf Matt. Je suis pas une fille, je te ah, rappelle oui, c'est encore. Vrai. Oh, boy. Oh là là. Ouais. Bon, fait que les feux. C'est sûr qu'on les fait les plus petits possibles. Là. On fera pas un gros feu de joie en dansant au dos. C'est pas Burning Man, là, ouais, quand même. Exactement. Fait qu'on les fait les plus petits possibles avec les branches de bois là, qu'on trouve à terre. On les casse pas, ça c'est bien important. Là. On se fait répéter depuis qu'on est petit. Donc on les prend à terre. Mais également, là, à la fin du feu, on a toujours tendance à laisser ça de même. Ouais. Puis on se dit, c'est correct, c'est la nature. Mais en tant que tel. C'était la nature après qu'elle est passée au feu. T'sais. C'est ça, t'sais, on se dit, les cendres, ça reste naturel. Vous prenez les cendres froides. Puis, l'important, c'est de les répandre un peu partout. Là, parce que juste un amas de cendres, ben ça fonctionnera pas, ça va rester là, puis c'est nocif. Fait qu'on les répand un peu partout. Tu sais, mettons dans votre trou de caca. Ah, ben oui. Ben oui, ça peut aider un petit engrais. Assaisonner au goût. Voilà. C'est ça. Fait qu'on peut faire plein de petits mix comme ça. Puis également, ben le dernier petit rappel, c'est vraiment important là, de rester silencieux. Ben silencieux, on s'entend. De pas crier parce qu'on est dans la nature. C'est vraiment important de respecter ça. Comme j'avais dit un peu plus tôt, là, y a des espèces et on veut pas arriver en quelque part puis crier comme des fous puis avoir une mauvaise réputation. Le monde qui va en montagne, souvent, là, c'est pour se ressourcer. Puis moi, ben, je vous le souhaite. C'est sûr que si vous n'avez pas nécessairement les moyens là, d'aller dans le sud pour la semaine de lecture, aller en camping, il y a des super de beaux endroits. Partez en road trip, ça va être parfait. Puis en même temps, même si vous partez en road trip, vous pouvez compenser vos émissions de CO2. Ah, aussi? Ben oui. Là, est-ce qu'il y a une compagnie pour ça? Est-ce qu'on peut appeler à la même place que tantôt pour faire ça? Ouais, exactement. Okay. Donc, Action Carbone, là, comme j'avais dit, je vais mettre le lien. Ça peut faire autant pour si vous prenez le train que si vous prenez là, votre voiture ou toute autre, dans le fond, embarcation motorisée. Ça fonctionne. Donc, vous c'est pouvez bon, vous ça. Gâter par rapport à ça. Là. Génial. Ouais. Que de bons conseils. Exactement. Et donc... Voilà. Ensuite, moi, c'est sûr que je vais vous faire un petit rappel là, par rapport aux activités qui vont être prochaines dans 2 semaines. Oui. Donc, dans 2 semaines, là, je vais arriver vraiment avec le plan détaillé. Donc, pour les personnes intéressées, oubliez-nous pas, là, lundi dans 2 semaines, donc en revenant de la semaine de lecture, donc de votre tout inclus à Punta Cana, écoutez-nous à 9h, je vais pouvoir vous dire là, toutes les activités pour la session. Génial. Catherine Langlois du Club plein air UQTR, je vais essayer de le dire comme ça dorénavant. Les lundis à 9h aux 2 semaines. J'allais dire que tu reviens n'importe camping, mais là, le jeu de mots marche pas parce que tu viens juste de dire c'était quand ta case horaire, fait que ça défait mon gaz. Je m'excuse. Mais tu reviens n'importe camping. N'importe camping. Ouais. Ben, je vais peut-être arriver avec une petite anecdote de road trip, peut-être. Ah oui, peut-être. On va voir. Tu vas aller dans le bois? Ben, peut-être, oui. OK. Ouais, fait qu'on va voir ça, là. Je vais peut-être avoir des belles petites anecdotes, là, puis des conseils à vous dire par rapport à un road trip parce que. Punta Cana, j'ai peut-être pas les moyens. Non, c'est ça. Peut-être l'année prochaine. On va espérer. On te le souhaite. Oui. Les choses vont bien aller pour toi. Ben oui. Je t'encourage dedans. Merci Catherine Anglois. Ben c'est un plaisir. À dans 2 semaines. Oui. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Mercredi le 21 octobre 2015, qui était cette date tellement attendue par les cinéphiles et les autres, car c'est demain le Back to the Future Day. Hein? Le 21 octobre 2015, c'est la journée où Marty McFly arrive dans le futur tel qu'envisagé dans Le Retour du Futur 2. Histoire de souligner ce jalon de la culture populaire, je vous envoie une liste de faits inusités découlant du fameux film culte. Donc, premier fait inusité, ce retour vers le futur. Eh bien, dans la première version du scénario de Retour vers le futur 2, Marty et Doc se rendaient en 1967. Ainsi, après avoir exploré les années 50, le duo se serait frotté au hippie et au psychédélisme des années 60. L'idée a finalement été remisée, la production jugeant que la construction d'un plateau de tournage fidèle à l'esthétique des années 60 serait trop onéreuse. Ça aurait été vraiment intéressant de voir ça quand même. Mais on n'aurait pas eu le fameux 21 octobre 2015. Le générique d'ouverture, deuxième fait, eh bien, le voyage dans les nuages risque d'être familier aux fans de Clint Eastwood. Ces images ont tout d'abord été utilisées pour le montage du film Firefox qui avait été produit en 1982. Assez particulier, hein? Donc, on a recyclé, c'est correct. Dans le troisième fait, eh bien, Retour vers le futur 2, justement, recycle également des véhicules futuristes conçus pour d'autres films. On peut y apercevoir, entre autres, des véhicules tout d'abord assemblés et conçus pour le film Blade Runner de 1982, ainsi que le Star Car de The Last Starfighter de 1984. Donc, hein, pourquoi pas recycler des éléments de décor comme ça. Quatrième fait sur Retour vers le futur, eh bien, dans la scène où le vieux Beef démontre l'exactitude du fameux almanach sportif au plus jeune Beef, eh bien, les résultats annoncés à la radio sont tirés d'une partie de football qui a bel et bien eu lieu le 12 novembre 1955. Beaucoup de réalisme, donc. Numéro 5, eh bien, Pierre Attet, qui est la voix de Doc Brown pour les versions françaises des films de la série, a déjà confié en entrevue que l'épisode de la trilogie qu'il a apprécié le moins était le Retour vers le futur 2, et il utilisait toujours l'expression « nom de Zeus » pour s'exclamer « d'ailleurs ». Sixième fait sur ce film, eh bien, au fil des enregistrements des versions françaises des films, Pierre Attet est devenu ami avec Luke Hammett, qui est la voix de Marty McFly. Le duo a même collaboré sur d'autres projets ensuite ensemble. Génial. On apprend qu'au Québec, dans le septième fait, eh bien, on aurait influencé le doublage de la trilogie selon Hammett afin d'éviter un anglicisme. Eh bien, c'est Pepsi Free qui aurait été traduit par un Pepsi Régime. Ah bon, ben c'est sûr que nous, au Québec, on est plus francophones qu'en France, hein, parce que eux, c'est toujours des mots en anglais nommés ou dits avec un accent plus français que français. Huitième fait sur Retour vers le futur, eh bien justement en parlant de Pepsi, l'entreprise vient tout juste de lancer la gamme Perfect. En hommage à Retour vers le futur, évidemment les fans s'arrachent le produit et des revendeurs écoulent maintenant des bouteilles du genre à plus de 300$ chaque bouteille sur eBay. Neuvième fait sur Retour vers le futur, eh bien, pour souligner le Back to the Future Day, la ville de Reston, en Virginie, va temporairement changer de nom pour devenir la ville de Hill Valley. Et il y a beaucoup de gens qui vont s'y rendre. Dixième fait sur Retour vers le futur, eh bien, Tom Wilson, qui est l'interprète, justement, du vilain Beef Tannen, serait en fait un chic type. L'acteur est également peintre et humoriste. Un de ses numéros aborde la série de films d'ailleurs. Allez voir ça. Et c'est vrai que nous ici, en tout cas au Canada, même au Québec, on l'a pas vu souvent, Tom Wilson, mais semble-t-il qu'il fait sa place aux États-Unis. Onzième fait, eh bien, c'est connu, Flea, le bassiste de Red Hot Chili Peppers, joue le rôle du patron de Marty McFly dans Retour vers le futur 2. On s'en rappelle. Il est vraiment laid. Hein? Ce qu'on ignore, c'est que son groupe était en tournée au moment du tournage et Flea a fait un aller-retour en avion pour tourner ses scènes. Il a dormi seulement 2 heures en tout et j'ai perdu un tricot de ma grand-mère à cause de tout ça. S'est-il confié au Rolling Stone à ce sujet? Mais moi, ce qui me fait rire, c'est pourquoi on a pris absolument... ça prenait Flea, justement, le bassiste de Red Hot Chili Peppers, pour jouer absolument ce rôle. La question, je le sais pas. Non, mais on nous le donne pas. 12e fait, eh bien, un collaborateur de l'équipe qui a fait cet article-là, qui s'appelle Philippe Melbourne Dufour, a un tatouage inspiré de Retour vers le futur... qui est très laid, en passant. Il a, ce même journaliste, également fait faire un beau dessin pour les fans de la série. Téléchargez-le pour l'utiliser en fond d'écran. Non. 14e fait, et là, c'est des vrais faits, là, c'est pas des faits ridicules comme celui-là. Eh bien, le film a inspiré de nombreux projets artistiques, dont une exposition de Tim Caravia, qui a recréé des scènes du film culte à l'aide de blocs Lego. Avis aux intéressés, on retrouve un avant-goût de celle-ci sur son compte Instagram. Vraiment très, très intéressant de voir la ville, l'hôtel de ville de Hill Valley, équipé là, de son câble qui s'en va jusque dans l'arbre et Doc Brown qui est pendu après. Et on voit la DeLorean qui s'apprête à avancer à 88 miles à l'heure. Eh bien oui, on a tout, tout y est. 15e fait sur Back to the Future, eh bien la trame sonore du film a également inspiré bon nombre de reprises, à des groupes, dont des pièces heavy metal, et etc. Est-ce qu'on peut entendre juste un petit extrait, voir? Intéressant parce que le vidéo est tourné à Hill Valley, donc on a fait un montage là, sur green screen, bien sûr. Et oh, wow! Wow! 16e fait, on va se laisser ça en fond, tiens. 16e fait sur Back to the Future. Eh bien, bonne nouvelle, on pourra se déplacer gratuitement en DeLorean dès demain. Mauvaise nouvelle, l'offre est seulement valide à New York et pour la clientèle du service Lyft. Hoppa, une entreprise américaine offrant des services de navettes à des aéroports, eh bien, ils vont offrir des déplacements pour aujourd'hui en DeLorean. Wow! 17e fait, eh bien, Robert Zemeckis a tellement été enragé par la fin en queue de poisson lors de son visionnement de Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque, qu'il tenait à ajouter une bande-annonce du 3e film à la fin du second afin de donner un avant-goût aux fans. On se rappelle très bien de cette bande-annonce. 18e fait, eh bien, on peut s'attendre à un Retour vers le futur 4. Eh bien, selon Bob Gale, co-scénariste de la série et détenteur d'une clause dans son contrat stipulant qu'il doit être consulté pour tous les projets entourant la franchise, une suite n'est pas considérée car on ne veut pas ruiner votre enfance. J'avoue, moi, je pense que la trilogie est parfaite comme ça, mais je sais, on en voudrait tous une suite, un jour peut-être. Le même Bob Gale note toutefois qu'un comic book est actuellement en production et explore des avenues qu'il aurait voulu aborder. 20e fait, eh bien pour souligner le Back to the Future Day localement, vous pouvez consulter le site du festival Spasm qui organisera une foule d'activités et certains cinémas organisent également des projections de la trilogie au cours des prochains jours. Il y a un lien pour voir s'il y a un cinéma près de chez vous qui le fait. Je regarde ça rapidement. Wow, Back to the Future is here. The fan event, October. Click on participating theater. On essaye d'aller voir qui sont les cinémas participants. À date, ce sont tous des cinémas anglophones, premièrement, et de l'extérieur du Québec. Il n'y a pas un cinéma, je pense, qui est au Québec. En tout cas, c'est pas grave. Hein? Allez sur le streaming, puis vous pouvez facilement... OK, on a un petit son ici, on va se laisser ça. Facilement, sur Internet, vous allez trouver cette trilogie. Pour pas une scène, de toute façon, je pense qu'ils ont fait déjà assez d'argent avec cette franchise. On a le skate volant de Retour vers le futur. Eh bien, on sait qu'il n'existe pas encore, OK? Il y a eu des tentatives dans des skateparks aménagés spécialement pour ça, mais le vrai overboard, on est loin de là. Mais, par contre, eh bien, il est déjà autorisé en Autriche. Eh bien, oui. C'est quand même assez particulier, hein? Donc, ce overboard imaginé dans Retour vers le futur est encore au stade de prototype. est considéré, à l'instar du skateboard, comme un véhicule de petite taille en usage hors chaussée. C'est comme ça qu'on le nomme en Autriche. Donc, le hoverboard peut être utilisé librement partout où un skate l'est. C'est ce qu'a indiqué le ministre dans un communiqué précisant vouloir assurer aux usagers une sécurité juridique en la matière. Quand même assez particulier que le ministre des Transports a annoncé qu'il n'y avait pas de problème. Il était déjà autorisé en Autriche. Il a annoncé ça la veille. Seule restriction, donc comme pour le skateboard, l'utilisateur ne doit constituer aucune gêne ni aucun danger pour les passants ou pour la circulation automobile. On peut ainsi faire du hoverboard dans les aires dédiées telles que les skateparks, mais aussi dans certaines rues, notamment piétonnes, souligne le ministère. Est-ce qu'on peut le faire au-dessus d'une marée ou d'un petit lac ou d'un... On se rappelle, hein? Ça marche pas au-dessus de l'eau. La réglementation est sensiblement plus restrictive pour le modèle dit Pitbull, propulsé, lui, par des petites fusées. C'est ce qu'a relevé... Il a même ajusté ça, hein? C'était celui du The Beef, ça. Un brevet spécial de pilote et une autorisation de vol sont alors nécessaires, de même qu'un permis de bateau si l'engin évolue sur l'eau. Fantasme de génération d'adolescents et d'ingénieurs depuis la sortie du film, il y a 25 ans, le hoverboard existe pour l'instant qu'au stade de prototype en laboratoire, à des années-lumière d'un emploi urbain. Restons dans notre gros, immense dossier de Retour vers le futur. Eh bien, on apprend que la pizza de Retour vers le futur, eh bien, sera en vente chez Pizza Hut. Les clients de Pizza Hut vont proposer à leurs clients la pizza du film Retour vers le futur 2. Pour fêter les 30 ans de la saga culte Retour vers le futur, la chaîne de restaurants va commercialiser la recette de la pizza que la famille McFly déguste dans l'épisode 2. Mais celle-ci ne sera pas réhydratée par le four, le Hydrator de Black & Decker, comme dans le long métrage. Mais les gourmands de la fin et les fans de la trilogie devront faire attention car cette pizza dit bigou ne sera disponible que le 21 octobre. Assez particulier, c'est en effet à cette date, le 21 octobre 2015, que Doc et Marty débarquent à Hill Valley lorsqu'ils voyagent dans le futur. Vraiment, allez voir ça. Mais c'est une pizza vraiment comme les autres finalement, c'est juste qu'on l'a assaisonnée au look de celle de l'émission. Là. Ça, c'est ça, exactement. Bon, on va continuer dans notre segment du plus gros dossier sur Retour vers le futur du monde. Eh bien, selon Retour vers le futur du monde, je vous envoie l'actualité du 22 octobre 2015. Donc, on y va avec des nouvelles pour demain, hein? Parce qu'on le sait, dans Retour vers le futur 2, eh bien, Marty McFly débarque le 21 octobre et au-delà d'avoir fantasmé sur notre époque, le film de 89 avait aussi imaginé l'actualité du jour, plus précisément celle du 22 octobre. Les fans de la saga le savent, Doc et Marty n'ont cessé de regarder la une des presses pour connaître les conséquences, bonnes ou mauvaises, de leur voyage temporel. Dans le deuxième volet, tout débute avec une couverture du quotidien USA Today qui montre que le fils de Marty, Marty McFly Jr. a été arrêté. Lorsque Marty a atteint son but, empêcher Fiston de croupir derrière les barreaux, c'est une nouvelle une du quotidien qui vient prouver que sa mission est bien remplie. Donc, je vous envoie la une du USA Today datée du 22 octobre 2015. Et voici ce qu'imaginaient les créateurs du film au sujet de l'actualité du jour. Alors, premièrement, eh bien, l'équipe de baseball des Chicago Cubs remporte le World Series, le MLB, l'équivalent du Super Bowl, mais au baseball. Quand les scénaristes écrivent ça en 89, l'équipe est bien mal en point et n'a aucun titre depuis 1908. Quand même, hein? Assez intéressant. Donc, ce titre est improbable, mais aujourd'hui, dans la vraie vie, les Cubs ont repris du poil de la bête et pour la première fois de leur histoire, les joueurs ont conclu victorieusement à domicile une série de playoffs. Coïncidence? On le pense pas, hein? Dans Retour vers le futur aussi, on imaginait qu'un homme pourrait courir 1000, soit 1634 mètres, en 3 minutes. Le record du monde sur cette distance est aujourd'hui détenu par le Marocain Hicam. Et sa vitesse, attends un peu, en 3 minutes, eh bien, Hicam El Goudjirou, et il fait ça en 3 minutes 43 secondes et 13 centièmes en 1999. On est quand même pas loin. Il y a le quotidien USA Today, hein, qui existe bien sûr réellement, et le plus lu aux États-Unis depuis 2009, c'est en réalité le Washington Post qui est le plus lu dans tout le pays, avec 2,9 millions de lecteurs et non pas 3 milliards comme écrit sur la une qui était fantasmée.

Premièrement, eh bien, préparez-vous une trempette, des crudités, un bol d'humus ou de guacamole et le tour est joué. Déjà, ça, c'est simple et c'est bon. Tu sais, c'est vrai, une trempette, sérieusement, c'est très bon. Bol d'humus, c'est très bon. Sinon, faites vos propres barres granola. Les barres granola disponibles en épicerie contiennent souvent beaucoup plus de sucre que d'autres choses. Ayez le dernier mot sur la liste des ingrédients en les préparant vous-même à la maison. Vous pouvez également concocter des muffins riches en protéines et en fibres en intégrant des graines de chia ou des graines de lin à votre recette, simplement. Vous pouvez aussi remplacer la viande par des légumineuses, mais ça va être moins bon. Mais en tout cas, ça, c'était juste mon petit commentaire éditorial. Substituer la viande par des légumineuses quelques fois par semaine. OK, là, on va prendre ça. Vous pouvez donc intégrer des lentilles à un chili, à un ragoût, une soupe et même à un hamburger. Hein? Ça, c'est bien, lentilles dans un hamburger. Mais moi, je ferais un mix des deux. Je ferais pas juste un burger de lentilles. Je trouverais ça un peu moche, fade et plate. Mais intégrer des lentilles dans la boulette, et je pense que ça peut être très, très bien. Sinon, ici, la purée, ça vous dit quelque chose? Eh bien, au lieu de simplement griller vos légumes, faites-en plutôt une purée et ajoutez-les à vos sauces, comme le chou-fleur ou la courge. Ça ajoute très bien à une sauce tomate, par exemple. On la booste un peu, notre sauce tomate, pour qu'elle soit plus substantatoire. Hein? J'en invente des beaux mots, mais c'est pas nécessairement inventé, là, mais en tout cas, elle va vous sustenter plus longtemps. Sustenter, c'est un beau mot, hein? Cette façon de manger plus de fibres, eh bien, consommez davantage de graines riches en fibres, comme les graines de tournesol ou les graines de citrouille, les noix grillées comme les pacanes, les amandes, les pistaches, ajoutez-les à vos salades et à vos plats préférés. Moi, je dis oui, mais souvent, les graines sont chers. C'est très bon. Moi, j'adore les noix, j'adore les graines de tout, mais c'est vraiment souvent très, très cher. Et puis, ça rancit quand même assez rapidement, me semble. Mais quand même, je pense que le meilleur deal, c'est avec les graines de citrouille. Vous pouvez les intégrer aussi à votre pesto, etc. On n'est pas obligé tout le temps de mettre des noix de Grenoble ou des pignons de pain dans un pesto. On peut se laisser aller. En plus, un pesto, là, c'est pas nécessairement juste au basilic. Ça peut être à n'importe quelle herbe méditerranéenne, mettons. Autre façon de manger plus de fibres, eh bien, en smoothie, des graines de lin ou de chia, des épinards, du chou frisé, du fameux kale, une banane et des mûres, du yogourt et du lait. Mélangez le tout et vous obtenez une boisson riche en fibres et on ne peut plus santé. En plus, si vous êtes bon, ça va être bon. Sinon, réinventez vos recettes. Remplacez, par exemple, vos spaghettis par des spaghettis de courge. La courge spaghetti tient son nom exactement de là. Et là, si on s'envoie rapidement quelques aliments riches en fibres, eh bien, les lentilles, les fèves blanches, les pois chiches, les fèves noires, les fèves rouges, les endamame, donc les fèves de soya, l'avoine, l'orge, les pois verts, les pâtes de blé entier, le riz brun, le pain de blé entier, la poire, l'artichaut, l'avocat, le maïs, les framboises, le brocoli, les pommes, les amandes, c'est les aliments les plus riches en fibres. Sinon, transportons-nous à Djirton. Djirton, eh bien, c'est le village sans route, sorti tout droit d'un conte de fées. Avouez que vous avez déjà rêvé vivre ou au moins visiter une ville sans route et par conséquent sans voiture. Eh bien, c'est le village de Djirton, situé à environ 120 km au nord-est d'Amsterdam. Il est composé d'environ 180 ponts qui surplombent tous ces canaux. On peut se promener donc à travers la communauté Capier en bateau ou à bicyclette. On surnomme d'ailleurs Djirton la Venise des Pays-Bas pour des raisons plus qu'évidentes. Et c'est beaucoup plus beau que Venise, sérieusement, c'est beaucoup plus féerique. Allez voir les images, c'est hallucinant. Le village est situé au cœur du parc national Verbenweiden, une réserve faunique qu'il est préférable de découvrir par bateau. La population de moins de 3000 habitants et le nombre limité de touristes font de Djirton une ville pittoresque dont nous ne soupçonnons même plus l'existence. Moi, je savais pas que ça existait un endroit aussi joli, aussi beau que ça, aussi féerique, c'est le terme féerique. Le meilleur moment, le meilleur moment pour visiter Guiertorne demeure l'été, mais vous adorez aussi la région en hiver, qui est hallucinante. Il devient possible de patiner sur les canaux et les lacs avoisinants. Prenez donc une pause bien méritée de l'heure de pointe et considérez ce petit village digne d'un conte de fées pour votre prochain périple sur le vieux continent. Ben moi, j'irais même habiter à Guiertorne. Guiertorne. Vraiment, wow! Guiertorne, un village sans route, sorti tout droit d'un conte de fées. Attention, j'arrive. Cette fois-ci, on s'en va à Lille et on sort du conte de fées tout à fait. À Lille, 5 membres d'une même famille retrouvés morts à leur domicile. Selon l'information du quotidien, La Voix du Nord, 5 membres d'une même famille ont été retrouvés morts à leur domicile de Haubourdin mercredi soir. C'est la nourrice, inquiète de ne pas avoir des nouvelles depuis plusieurs jours, qui a donné l'alerte. Arrivée sur place, les secours n'ont pu que constater le décès de 5 personnes. Tous ont été trouvés dans des lits, les corps dissimulés sous les couvertures. Ils seraient sans doute morts depuis le 16 octobre, a précisé Frédéric Fèvre, procureur de la République. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un drame familial. C'est le père de famille qui aurait tué sa femme, puis ses 3 enfants, dont le plus jeune était âgé de seulement 6 mois. Il s'est ensuite pendu dans le garage en laissant une lettre expliquant son geste par de grosses difficultés financières. En tout cas, la lettre date, elle, du 16 octobre. Selon le procureur, cette date pourrait être celle des décès. La porte de la maison a été retrouvée fermée de l'intérieur et il n'y avait pas d'effraction. La famille est en situation de surendettement assez intense. Quel connard! Non, mais gars, hein? En tout cas, congelé vivant, un poisson revient à la vie. Dans un laboratoire scientifique d'Asie, un professeur a réalisé une expérience pour le moins troublante. Après avoir congelé instantanément un poisson vivant dans une solution liquide à moins 35 degrés, l'homme va remettre le poisson dans une eau à température normale. Quelques secondes plus tard, ce dernier va se décongeler et revenir doucement à la vie. Assez impressionnant. Allez voir cette vidéo. Ici, on a l'Agence spatiale européenne qui veut construire un village sur la Lune. Eh bien oui, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, plaide en faveur d'un audacieux village lunaire international qui pourrait être édifié peu à peu grâce à des robots. Cela permettrait un jour le retour de l'homme sur le satellite, notre satellite, après des décennies d'absence. La dernière fois que l'homme a mis le pied sur la Lune, eh bien, c'était en 1972. Le nouveau directeur général de l'ESA, Johann Dietrich Vorner, a défendu son idée de Moon Village devant la communauté spatiale lors du 66e congrès international d'astronautique qui était organisé à Jérusalem du 2 au 16 octobre. Il avait déjà commencé à évoquer dans la presse dès sa prise de fonction en juillet. L'idée est sur la table. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP Franco Bonaccina, oui, porte-parole du directeur général de l'ESA. L'expression « Moon Village » ne veut pas dire que l'on va construire sur la Lune un village avec des écoles, des églises, des maisons, etc. Tient-il à souligner. Je pense qu'on avait compris. Hein? C'est un concept qui prévoit une participation internationale pour faire des missions diverses et variées sur la Lune, peut-être même sur sa face cachée. Tous les équipements ne seraient pas forcément au même endroit. Johann Dietrich Vorner, ancien patron de l'agence spatiale allemande, la DLR, part du constat que l'aventure de la station spatiale ISS, lancée en 1998, devrait se terminer vraisemblablement aux alentours de 2024. Il faut réfléchir à ce que nous voulons faire après, d'où l'idée d'inciter la communauté internationale a réalisé quelque chose ensemble sur la Lune. Il s'agit de rassembler et de fédérer des idées autour du satellite de la Terre qui a encore beaucoup à nous apprendre. Le directeur général de l'ESA, pour qui l'espace n'a pas de frontières, veut permettre à tout le monde de contribuer à ce village lunaire, selon Franco Bonaccina. La Chine, qui ne participe pas à la Station spatiale internationale, mais conduit un programme ambitieux sur la Lune, pourrait être la bienvenue. Le programme américain Apollo a permis à l'homme de faire son premier pas sur la Lune le 21 juillet 69, mais depuis décembre 72, plus aucun humain ne s'est posé sur le satellite. Depuis les années 1990, une série de sondes ont été envoyées autour de la Lune, dont l'européenne Smart One en 2003. Bernard Foin, qui était responsable scientifique de la mission Smart One et qui dirige le groupe international pour l'exploration lunaire, décrit ce que pourrait être le Moon Village. Il y aura une étape de village robotique, puis une étape de station habitée, mais cela nous servira aussi à préparer des expéditions vers des destinations encore plus lointaines. On le dit pas, mais vers Mars. Hein? C'est un plan progressif qui commence avec des missions orbitales. Un jalon important sera la mission américaine Orion, à laquelle l'ESA collabore. C'est ça. À l'horizon de 2021 à 2023, cette capsule emportera 4 astronautes en orbite autour de la Lune. Mais avec Orion, oui, la NASA cherche surtout à préparer une mission habitée vers Mars. L'ESA travaille aussi sur une mission russe, la mission Luna 27, prévue à l'horizon en 2020. Et celle-ci prévoit aussi un alunisseur qui explorait les régions polaires de la Lune dans lesquelles ont été trouvés des dépôts de glace. Au pôle sud, nous avons localisé des sites qui contiennent de la glace dans le sous-sol proche qui sont assez bien illuminés et offrent une bonne possibilité de communication. Donc, c'est ce qu'ajoute Bernard Foin, autant d'éléments nécessaires pour installer une base habitée. Ce projet de coopération avec les Russes sur Luna 27 est dans les tuyaux depuis plusieurs années. L'ESA est en charge de développer deux éléments, l'un pour aider à faire un alunissage intelligent, l'autre pour analyser les ressources et préparer de futures explorations. Si Luna 27 et Luna 28, la mission russe suivante à laquelle l'ESA a aussi prévu de participer, deviennent une réalité très concrète, on pourra dire que ces deux missions font déjà partie du village lunaire, ajoute-t-il. Vraiment très, très, très intéressant. Et on s'en va ici. Ah là, on va aller se coucher. Je vous le dis, avec ce dossier-là, c'est sûr que vous allez vous coucher. Je vous donne immédiatement 7 raisons de faire une sieste immédiatement. Donc, on commence tout de suite. Voici donc 7 excellentes raisons. Pour faire une sieste immédiatement, eh bien, premièrement, la raison, eh bien, vous serez plus patient. Hein? Vous ressentez de la frustration. Selon une étude de l'Université du Michigan, vous devriez prendre le temps de faire une sieste. Au cours de cette étude, les participants devraient compléter une tâche particulièrement frustrante. Oui, ceux qui avaient fait une sieste une heure auparavant ont réussi à tenir presque deux fois plus longtemps que ceux qui n'avaient pas fermé l'œil. C'est très clair. Moi, avant de commencer à travailler sur un gros contrat à la maison, je fais souvent une sieste. Quand je me lève, là, je suis prêt à attaquer. Vous serez plus alerte si vous faites une sieste. Hein? Faire une sieste est une excellente façon d'accroître son niveau de concentration si vous sentez que vous êtes sur le point de décrocher. Une sieste d'à peine 10 minutes peut faire toute la différence. Le simple fait de penser à faire une sieste peut même diminuer votre tension artérielle. Les instants précédant la sieste ont aussi leurs bienfaits. C'est une étude anglaise qui a découvert que la pression artérielle des participants avait tendance à diminuer avant même que ces derniers ne tombent endormis. Le simple fait d'anticiper une sieste aurait ainsi des effets positifs sur votre organisme. Autre raison de faire une sieste immédiatement, eh bien, votre mémoire sera plus efficace. Une étude dirigée par des chercheurs allemands a découvert que faire une sieste d'une heure pouvait améliorer grandement notre capacité à mémoriser l'information. Durant ces recherches, les participants ayant préalablement fait une sieste ont performé 5 fois mieux au cours d'un jeu de mémoire que le groupe de contrôle qui, eux, n'avaient pas dormi. Faire une sieste immédiatement, vous rendra plus créatif. Si votre créativité fait défaut depuis un certain temps, le temps est venu de prendre une pause et de recharger vos batteries. Une étude de l'Université de Californie a découvert que les personnes faisant une sieste, les plongeant dans un sommeil profond, l'état au cours duquel nous rêvons, étaient beaucoup plus créatives par la suite. Autre raison de faire une sieste immédiatement, faire une sieste régulièrement aide à prévenir les maladies cardiaques. Cardiaque, oui. Faire une sieste peut évidemment nous aider à mieux gérer les stress quotidiens. Une étude menée auprès de 23 000 Grecs a découvert que les personnes ayant l'habitude de faire une sieste l'après-midi étaient moins sujettes à souffrir de maladies cardiaques. L'horloge interne qui régit le sommeil à l'état d'éveil est constituée de 2 cycles par jour et l'un d'eux plonge généralement en cours d'après-midi. Ne pas faire une sieste à ce moment pour certaines personnes pourrait dérégler ce processus. Tellement. Moi, l'après-midi, j'ai pas le goût de travailler, pour vrai. Puis c'est clair, là. J'ai le goût, je le fais. Mais c'est très, très, très, très difficile de travailler en plein après-midi. Le matin, aucun problème. C'est clair, c'est dans notre cycle. On devrait faire une sieste. Hein? La siesta dans les pays du Sud, c'est la règle. Regardez en Espagne aussi. Là, on parlait de Grecs, on parle de Mexicains, on parle de plein de gens partout dans le monde qui, eux, pour eux, la sieste est sacrée en après-midi. Et autre raison pour faire une sieste immédiatement, prendre une simple pause de 10 minutes fait aussi l'affaire. Ça dépend. Si vous ne pensez pas être en mesure de vous endormir, n'ayez crainte, selon une étude datant de 2007, se penchant sur les effets de la sieste et de simplement prendre une pause, s'étendre pendant 10 minutes serait suffisant pour améliorer notre humeur, que l'on réussisse à fermer l'œil ou non. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h.

4,99 $ Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est pour l'éclat? Oui, l'éclat des cheveux. Alors, on en a un au rhum, un guacamole et un des jaunes d'œufs. Face d'œuf, ouais, c'est ça. Et je sais que vous avez déjà parlé dans une chronique qu'est-ce qui était bon pour les cheveux. Il y avait du Pepsi, est-ce qu'on m'a dit ça? Je douterais pas. La bière aussi, je pense. Il y avait de la bière. Oui, de la bière. C'était toi qui l'avais conseillé, je pense. Oui, c'est moi qui l'ai conseillé. Puis encore une fois, je suis fatigante avec mes produits Lush. Mais chez Lush, il y a un produit qui s'appelle Cynthia la Belle Brune, qui est un shampoing à la bière. Wow. Oh. Puis vraiment, nos mères, nos grand-mères utilisaient la bière comme, comme shampoing dans le temps. Une bonne IPA, là, ça se prend bien sur le cuir chevelu. J'avoue. Alors voilà, c'était tout pour les précieuses découvertes spéciales Cozy. Oui. On te retrouve dans deux semaines, Alexandrine Pichessé. Oui, ça va être long. Oui, ben ça faisait longtemps là, quand même quand t'avais pas vu. Mois, j'avais skippé une petite semaine. Ouais, Alexandrine, t'es mal. Mais ça se peut. En fait, comme l'entièreté de l'UQTR, je pense. Là. Sûrement, oui. Ça va être la ventilation. Là, je partage Il fait terriblement froid dans l'université, on doit l'avouer. Oui, effectivement. Alors, voilà. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi. Bonne semaine. Bonne journée, bonne semaine, à dans deux semaines, les jeudis à 7h30 en début d'émission. Oui. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Depuis quelques jours, Internet s'affole de cette journée retour vers le futur à laquelle Marty McFly et Doc Brown ont voyagé, qui était hier, le 21 octobre 2015, dans Retour vers le futur 2, que je me suis tapé hier. Ben oui, pas de problème. Ça a été très, très drôle, l'avis de Santé Canada par rapport à la DeLorean en passant. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était très, très, très drôle. Je vous en parlerai dans deux secondes. Donc, les blagues et les hommages affluent et le service de police du Queensland en Australie a possiblement remporté le prix de la meilleure blague. Donc, hier, ils ont publié un communiqué sur leur site web annonçant le déploiement de policiers en overboard pour enquêter sur une voiture argentée qui s'était écrasée dans un poteau électrique près d'un cinéma. Un homme de 17 ans aurait été accusé et son permis de conduire aurait expiré il y a plus de 30 ans. Les enquêtes sur le véhicule les enquêtes sur le véhicule et ce qu'est un convoiteur temporel sont en cours. Le cinéma Mount Isa a reçu une perte de pouvoir à l'édifice. Le propriétaire Jody Sonder a affirmé que le conducteur est sorti de la voiture et a demandé un Pepsi. Il voulait savoir quand nous ferions jouer Jazz 19. A ajouté Jody Sonder. Le dommage au poteau électrique a provoqué une panne d'électricité dans les environs. Le maire de Mount Isa, Tony McGrady, a affirmé que la panne électrique a causé des dommages à l'horloge de la ville qui a désormais arrêté de fonctionner. Des réparations sont en cours pour sauver l'horloge municipale, a affirmé le maire McGrady. C'est bien, bien drôle et vraiment très, très drôle hier. Puis je ne sais pas pourquoi on l'a retiré, mais Santé Canada, hier, a émis un avis de rappel pour la DeLorean DMC-12. Ben oui, hier, c'est la date qui a été retenue par Marty et Doc Brown, on le sait. Et pour l'occasion, Santé Canada a émis mercredi un avis de rappel pour la DeLorean DMC-12, la voiture utilisée par les deux protagonistes pour voyager dans le temps. Eh bien oui, là, ce qu'on nous a dit, c'est vraiment 21 octobre, rappel, voiture, sécurité, circuit électrique, le système et ses Transports Canada. Il y a même un numéro d'identification et tout. Et on nous marque ici, détail du rappel. Un défaut dans le convecteur temporel sur une voiture DeLorean DMC-12 convertie en machine à voyager dans le temps pourrait causer une inhabilité à voyager vers le futur ou passé. Lorsque le véhicule est opéré à une vitesse de 88 miles à l'heure et pourrait augmenter la consommation énergétique au-delà des 1,21 gigawatts. Donc, on pouvait lire ça dans l'avis publié sur le site web de l'organisme fédéral. Santé Canada précise d'ailleurs que ce défaut pourrait avoir des conséquences désastreuses. Selon l'avis, Doc Brown effectuera les réparations qui s'imposent pour remettre le bolide en état. Hein? Vraiment très, très, très, très, très, très bien joué. Et je sais pas si c'est un hasard, mais il me semble que déjà, on sent plus de légèreté dans chez les fonctionnaires fédérales. Hein? C'est ce que je pouvais ajouter. Alors, hein, quand même bien intéressant. Sinon, eh bien là, on va laisser tomber Marty McFly, oui, c'était hier. Par contre, le journal, le USA Today parlait d'aujourd'hui, mais ça, c'est une autre histoire. On en a parlé en masse hier. Là, on s'en va avec combien de temps faut-il pour compter jusqu'à 1 milliard? Hein? On commence. Let's go. 1, 2, 3, 4. Donc, les chiffres ont parfois de quoi donner le tournis. Et saviez-vous qu'il faudrait environ 31 ans et 259 jours pour compter jusqu'à 1 milliard à haute voix, à condition de consacrer une seconde à chaque nombre? Mais pour atteindre ce total, il faut prendre en compte le temps vraiment nécessaire pour tout énumérer. Et plus les nombres sont grands, plus il en faut pour prononcer entièrement. Hein? C'est beaucoup plus long dire... 700 263 954. Nanana, 955. Vous comprenez? C'est beaucoup trop long. Donc, ça serait plutôt 95 ans au bas mot. En estimant que cela prend 3 secondes en moyenne pour épeler chacun d'eux jusqu'à 1 milliard, il faut alors plus de 95 ans pour y parvenir et cela sans prendre le moindre repos. À titre indicatif, une trentaine de jours sont nécessaires pour compter jusqu'à 1 million et environ 3 quarts d'heure pour arriver à 1000. Et alors, il faut absolument compter quelque chose. Il semble plus aisé de se cantonner au mouton pour trouver facilement le sommeil. Donc, si vous voulez compter jusqu'à 1 milliard, ben vous êtes mieux de commencer tout de suite. Hein? C'est ça que je pourrais vous dire. Ici, un couple dépense plus de 270 000 euros pour ressembler à Ken et Barbie. Et c'est pas les Ken et Barbie qu'on est habitué de voir à l'habitude. Ça fait plusieurs années qu'on parle de gens aussi imbéciles qu'eux, là, ici, qui veulent ressembler à Ken et Barbie. Eh bien, cette fois-ci, c'est un couple de Français qui a dépensé plus de 270 000 euros en chirurgie esthétique. Donc, Anastasia Rescos, 20 ans, et Quentin Dehar, 23 ans, sont tous les deux des grands fans des célèbres poupées de plastique de Mattel depuis leur plus jeune âge. Si bien que depuis leur rencontre en 2013, ils ont subi plus de 15 opérations chirurgicales pour ressembler le plus possible à leur bébelle préférée. Hein? Ce n'est pas fini puisqu'ils envisagent d'autres passages sous le bistouri et souhaitent même changer leur état civil pour finalement s'appeler officiellement Barbie et Ken. Anastasia a eu sa première opération à 17 ans. Ce sont ses parents qui lui ont payé un nouveau-né, mais elle assure pas un nouveau-né, pas un bébé là, un nouveau-né, le nez là. Mais elle assure dans les colonnes du Daily Mail vouloir encore se faire refaire les dents, les oreilles et les dessous de yeux. Pour une nouvelle fois, la poitrine, Quentin, de son côté, attend des nouvelles injections de Botox ainsi que des implants pectoraux. Tente pas juste de t'entraîner, non? Au total, Anastasia a déjà eu 2 augmentations mammaires, 2 opérations au nez, des implants fessiers. Elle reçoit également plusieurs injections dans les lèvres au cours de l'année et subit des dizaines de piqûres de Botox. Elle se fait blanchir les dents à tous les 6 mois, sans compter tous les produits de beauté, les extensions de cheveux, les faux ongles ou encore les séances UV. Vraiment, une fille en plastique. C'est vrai que ça va être Barbie, là. Au-delà de très nombreuses piqûres de toxines botuliques, eh bien, son amoureux a quant à lui subi 2 opérations au nez, s'est fait enlever les cernes, recoller les oreilles, s'est fait refaire les dents. Je ne peux pas décrire combien j'étais beaucoup plus heureux après mon opération au nez et mes premières injections de Botox, explique le jeune homme qui est tombé dans la chirurgie dès ses 18 ans. Non, mais le avant-après même, il est affreux. Sérieux, c'était des jeunes gens qui étaient pas laids avant. Aujourd'hui, ils sont vraiment laids et vraiment refaits et vraiment artificiels. En tout cas, un homme tire des balles réelles dans un spectacle de western. La reconstitution d'un western a bien failli tourner au drame dimanche dernier à Tombstone. Hein, Tombstone me semble déjà le nom fait village western. Dans cette ancienne cité minière proche de la frontière mexicaine, on propose une immersion totale aux visiteurs passionnés par la conquête de l'Ouest. Les spectacles touristiques qui font la part belle aux cow-boys s'enchaînent les uns après les autres. Selon les premiers éléments de l'enquête, Tom Carter, un acteur du spectacle de Tombstone, Vigilantes, eh bien, était arrivé en retard et n'avait pas fait vérifier son pistolet au contrôle de sécurité comme c'est l'usage. Devant 1 millier de touristes, il a donc mis en joue Ken Curtis, un autre acteur de la troupe, avec des balles réelles et non des balles blanches. Le coup est parti, son acolyte s'est effondré au sol, qui a été touché au niveau de l'aine. Hein? C'est pas loin des bijoux de famille, ça. Les jours de l'acteur ne sont pas en danger. Il devrait sortir rapidement de l'hôpital. Mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Hein? En effet, une spectatrice a aussi été éraflée par une balle dans le cou, mais a refusé d'être examinée par un médecin. Enfin, plusieurs fragments de balles ont touché des bâtiments très proches. Les spectacles de cow-boys ont été suspendus le temps de l'enquête et la mise en place de nouvelles mesures de sécurité. L'auteur des coups de feu n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi les balles réelles se trouvaient dans son pistolet. Une histoire à suivre! Tiens, on va aller avec ici le top 5 des maisons hantées en France. Ben oui, on y va, on commence. Eh ben oui, l'affaire de la maison hantée de La Roche à Lozère remet en lumière l'éternelle légende des maisons hantées. Grand classique des peurs populaires, ce mystère revient régulièrement au devant de l'actualité, comme en attestent ces 5 cas récents qui ont défrayé la chronique « Je vous en fais part ». Donc, ce mystère de la maison hantée de La Roche semble finalement en voie de résolution après avoir intrigué pendant plusieurs jours policiers et pompiers. Selon les experts, il semblerait que ce soit la présence d'une faille tellurique exceptionnelle générant un puissant champ électromagnétique qui explique que les objets se déplacent et que les ampoules éclatent. Mais plusieurs autres cas énigmatiques ont été recensés en France au cours des dernières années. Je vous les envoie comme ça tout de suite. On parle des rires et des... Mais une faille tellurique exceptionnelle générant un puissant champ électromagnétique qui explique que les objets bougent et que les ampoules éclatent, ça doit quand même foutre les jetons, hein? Là, sinon, on s'en va à Hem. Rire et pleurs d'enfants dans cette maison de Hem dans le nord, non loin de Villeneuve et d'Ascq. Elle est sans doute l'une des plus célèbres maisons hantées de France. Elle a été construite en 1939. C'est une villa qui aurait été le théâtre de la mort d'un enfant. Depuis, de nombreuses rumeurs font écho de phénomènes terrifiants. Rire et pleurs d'enfants, bruit de pas, etc. Les propriétaires successifs, auraient quitté les lieux, terrorisés, et l'un d'entre eux se serait aussi pendu. Est-ce qu'il s'est pendu à la maison? Ah, mais ça l'aide pas, là. Ça va ajouter des âmes en peine. On raconte qu'il fut question de la démolir, mais sans jamais y parvenir en raison de pannes successives du matériel. Une église évangélique avait fini par s'installer sur les lieux dont le pasteur avait fait l'objet d'un reportage diffusé sur Direct 8. Et on n'a pas plus de nouvelles que ça. Sinon, à Fougeray, il y a des esprits sur le site du château de Fougeray. Les choses se sont bien précisées. Les angoissantes rumeurs qui circulent sur les lieux n'ont aucune vocation commerciale. Néanmoins, ce sont bien elles qui font la réputation de cette demeure située dans la Vienne. De nombreuses soirées sont organisées en présence de médiums pour dialoguer avec les défunts dont les mânes occuperaient les lieux. Deux défunts se manifesteraient régulièrement, soit Alice, morte en 1924, et Félix, lui qui est mort en 1898. L'émission 60 Minutes lui a consacré un reportage. Autre chose ici, c'est une autre maison. Quelque chose de froid qui me caressait le bras, c'est le récit de ces habitants de la maison située au 13 rue du 11 novembre à Bresse, dans l'Oise, qui a de quoi hérisser les poils. Bruit étrange, coups, verrous ouverts, tout seul. Même une sensation froide de frôlement nocturne. Les phénomènes paranormaux auraient commencé en novembre 2011. L'entité qui se serait manifestée serait une petite fille que les propriétaires auraient aperçue à plusieurs reprises. Un groupe de spécialistes de l'association Haute-Normandie Paranormale est venu enquêter sur les lieux et a constaté d'étranges phénomènes, comme le clignotement des lumières à l'évocation de l'entité. Une photo sur laquelle apparaît une silhouette a été prise aussi à cette occasion. Là, on regarde la photo et on se dit, ouf, que c'est peut-être n'importe quoi. Hein? Sinon, on a l'église d'Incarville avec un curé fantôme. Donc, cette église serait elle aussi habitée par un esprit récalcitrant, en l'occurrence celui de l'abbé Delamar, curé des lieux jusqu'en 1949. L'homme qui a été enterré dans le cœur de cette église bâtie au 11e siècle reviendrait régulièrement sur place et il serait possible à certaines occasions d'entendre son souffle dans l'allée de l'édifice. Et quand même, hein, ça date cette église-là, au 11e siècle. Il s'agirait d'un fantôme bienveillant, c'est par affection pour les lieux que l'ecclésiastique le visiterait occasionnellement. L'église, bien que traditionnellement réticente aux phénomènes paranormaux, évoque elle-même cette histoire sur son site diocésain.

OK. Qui va devenir votre collation préférée de l'automne. On a besoin de 4 poires, d'un contenant de cinnamon rolls Pillsbury et d'une cuillerée à thé de cannelle et de sucre. OK. Donc, pour commencer, on va couper les poires en deux sur le sens vertical. C'est tellement cochon. Oui. On va vider la poire. Ouais. Ensuite, on va placer la pâte roulée dans les poires. OK. On va mettre ça au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que les rouleaux, les brioches soient dorées et que la poire soit elle-même belle et juteuse. Après avoir fait refroidir ça pendant quelques minutes, on va rajouter un petit peu de glaçage de la brioche à la cannelle. Ça venait avec dans le truc de Pillsbury. Et on va ensuite ajouter un petit peu de poudre de cannelle et de sucre sur le dessus. Simple, vraiment, vraiment, vraiment évident à faire, facile à mort. Et ça vous fait votre nouvelle collation automnale préférée. Pas pire, hein? Cochon, hein? Ça finit bien, ça. Ça finit bien. Ouais, ouais, ouais. Les autres nouvelles sont super intéressantes, mon gars, pour la prochaine fois. La prochaine, j'ai hâte de la faire. Elle est vraiment bonne. Bref, voilà pour une grosse pointe en dresse. On se fait ça les jeudis. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. D'où vient l'expression « cousu de fil blanc » hein? On dit ça, ça arrive. Donc, c'est une expression imagée signifiant qu'une action est très voyante, presque maladroite. Eh bien, cette expression remonte au 16e siècle. Hein? Quand on voit, c'est une intrigue cousue de fil blanc, c'est parce que tu vois déjà tout ce qui s'en vient d'avance. Donc, le fait de dire qu'une chose est cousue de fil blanc fait référence au fil utilisé, bien sûr, en couture. Donc, dans l'étape initiale, pour assembler deux pièces de tissu l'une à l'autre, avant de les coudre définitivement, il faut en effet faire une rapide couture provisoire, presque grossière, pour tenir l'ensemble. Celle-ci est destinée à être retirée après pour laisser place à la vraie couture. Pour cette première étape, il convient donc d'utiliser un fil d'une autre teinte que le tissu afin de le repérer et de pouvoir l'ôter aisément. Pour des vêtements sombres, les plus courants à l'époque, bien sûr, les couturières utilisaient ainsi le fil blanc. Cette expression s'est ensuite généralisée pour désigner un procédé dont on ne peut nier l'évidence. Elle se rapproche d'ailleurs des grosses ficelles que certains individus tirent parfois sans aucune discrétion. Moi, souvent, je vais dire ça, tu voyais vraiment les ficelles, mais on pourrait dire c'est cousu de fil blanc. On a ici, quelle est l'origine des verres à pied, dont les coupes, hein? Nous autres, on appelle ça une coupe. Donc, quelle est l'origine des coupes ou les verres à pied en France? Élégant et mettant le vin en valeur, eh bien, le verre à pied n'a pourtant pas été adopté en France pour des raisons esthétiques ou gustatives. L'origine de son utilisation remonte en effet à la lutte contre les empoisonnements au 17e siècle. Il s'est développé à l'époque pour dissuader les domestiques de verser du poison. Les serviteurs devaient alors tenir le verre par le pied, laissant apparaître clairement la ligne, la tige et le ballon avant de servir. Il leur était donc impossible de glisser un poisson puisque la main ne devait jamais approcher ni entrer en contact avec le bord du verre. Ce principe de précaution est né juste après l'affaire des poisons, une série de crimes et de tentatives de meurtre par intoxication impliquant l'aristocratie française entre 1779 et 1679 et 1682. Plus de 400 personnes étaient assis au banc des accusés de ce vaste complot contre la couronne, dont des membres de la cour de Louis XIV. Donc, c'est en raison des empoisonnements. C'est la même raison aussi pourquoi on fait un chin-chin, hein, qu'on fait un santé. C'est on cogne les verres, puis ça permettait au vin de tomber dans la coupe de notre voisin ou de la personne en face de nous. Et comme ça, ben on était moins enclin à vouloir empoisonner l'autre si dans notre verre, on pouvait recevoir des goûts de poison. On comprend. Ici, il y a Lego qui craint des ruptures de stock avant Noël. Donc, Lego a dû craindre des ruptures de stock en Europe avant Noël et du fait d'une demande dépassant toutes ses attentes pour ses célèbres jeux de construction. Je cite Lego. Quand nous recevons de nouvelles commandes, nous serons confrontés à des difficultés sur certains marchés en Europe et à satisfaire tous les magasins. C'est ce qu'a déclaré mercredi à l'association France Presse un porte-parole du fabricant danois Rollrude Tangsbæk. Cela vient après un premier semestre de 2015 où nous avons vraiment dépassé nos prévisions sur l'évolution des ventes. Il a précisé ni les produits ni les pays risquant d'être touchés par la pénurie. Nous ne pouvons pas garantir que les parents pourront aller dans n'importe quel magasin de jouets et trouver spécifiquement le produit qu'ils recherchent. Il se pourrait qu'ils doivent aller dans un autre magasin, a expliqué le porte-parole, ou reporter leur achat sur un concurrent comme le Canadien Mega Brand, acheté l'an dernier par American Mattel. Lego doit réaliser 60 % de ses ventes pendant les fêtes de fin d'année. Le truc, c'est aussi, on peut les acheter en ligne, hein? Ça va bien comme ça. Interrogé par l'association France Presse, un analyste de la banque d'investissement d'Oppenheimer, Sean McGowan, a estimé qu'il ne s'agissait pas là, pour le groupe danois, d'une stratégie destinée à inciter les parents à se ruer vers les magasins. Si cela avait été n'importe quelle autre entreprise, j'aurais tout de suite dit que c'était un coup de marketing. Mais en général, Lego, sacrée marque la plus puissante du monde par le cabinet Brandfest, ne fait pas d'intox. Donc, c'est pas un jeu en ce moment. À moyen terme, le groupe espère satisfaire la hausse de la demande en investissant massivement dans la production au Mexique, en Hongrie et au Danemark d'ici 2022. Des milliers de personnes devraient être embauchées à cette fin, a rappelé le directeur financier John Goodwin dans un communiqué. Le chiffre d'affaires du premier semestre avait bondi de 23% à 14,1 milliards de couronnes danoises. Ça représente 1,9 milliard d'euros, ce qui avait déjà fait de Lego le numéro 1 mondial du jouet devant Mattel et Hasbro, également américain. Lego, qui appartient toujours à la famille du menuisier qui fonda l'entreprise dans les années 1930, est aussi beaucoup plus rentable que ses rivaux. Et c'est tant mieux et on les félicite. Et moi, j'aime bien cette compagnie qui est Lego. Malgré que dans les dernières années, ils se sont un peu sexifiés, là, si on voudrait dire. Ils se sont genrés, pas sexifiés, genrés. Mais écoute, Lego répond simplement à la société. C'est pas Lego qui vous fait changer finalement les pensées. C'est juste que dans les années 80, les gens étaient plus ouverts. Aujourd'hui, on fait un genre de petit retour du balancier vers une droite. Mais là, peut-être que le soleil, lui, là, il brille avec un nouveau gouvernement et une nouvelle ère, peut-être. Mais tu sais, Lego, c'est danois. Fait que c'est mondial, tout ça. Un juge américain force des prévenus à payer leur amende en donnant de leur sang. Pourquoi pas? C'est pas mal. Un juge du tribunal du comté de Perry, en Alabama, donc au sud des États-Unis, a obligé des prévenus sans ressources à régler leur amende et les frais de justice en donnant leur sang sous peine d'être envoyé en prison. Le chantage exercé par le magistrat Wiggin a été dénoncé par l'Organisation des défenses des droits de l'homme, Southern Poverty, qui a déposé une plainte. Si vous n'avez pas d'argent et ne voulez pas aller en prison, eh bien, pensez donc à faire un don de sang et revenez avec le reçu, a déclaré le juge à un prévenu le 17 septembre dernier. Selon des enregistrements publiés par l'organisation sur son site, le shérif a assez de menottes pour ceux qui n'ont pas d'argent, a également ajouté le juge. Plusieurs prévenus jugés ce 17 septembre se sont ainsi rendus à une campagne de dons organisée juste à côté du tribunal parce qu'ils avaient peur d'aller en prison. Selon cette dernière, cette affaire illustre la justice à deux vitesses qui s'exerce dans l'État, trop souvent dans l'Alabama. Nous constatons que nos droits sont liés à notre compte bancaire. Il y a la justice pour ceux qui peuvent payer et une autre justice pour ceux qui ne peuvent pas. Nous devons cesser d'exploiter les pauvres, a souligné Zara Zemperi, avocate de la SPLC. L'organisation réclame des sanctions à l'encontre du juge Wiggin et demande à tous les tribunaux de l'Alabama de réexaminer leur procédure afin de s'assurer que les pauvres ne sont pas injustement menacés d'être envoyés en prison. Non, mais sérieux, y a de quoi là-dedans que je suis pas contre. De laisser la possibilité à des gens sans argent de payer. Parce qu'il faut que tu payes, là. Mettons que tu as fait un crime, même les ceux qui sont riches, il faut qu'ils payent. Je me dis, aller faire un don de sang, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, puis ça fait pas mal longtemps. Moi, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. C'est peut-être la façon que c'est appliqué, puis la façon que ça a été mis sur la table par le juge qui a l'air d'être un extrémiste, là. Mais en tout cas, l'idée, je trouve pas qu'elle est si sauvage que ça. En Inde, voyager sur ce vol ne coûte qu'un dollar. On va aller voir. Embarquer sur ce vol coûte un peu moins d'un dollar et le voyage ne mène nulle part. En Inde, les résidents de certains quartiers parmi les plus pauvres de New Delhi, dont la quasi-totalité n'ont jamais pris l'avion, peuvent vivre un avant-goût d'une expérience de vol pour la somme qu'ils peuvent se permettre de donner. C'est un ingénieur en aéronautique à la retraite, Bahadur Granakupa, qui se sert en effet d'une vieille carlingue d'avion hors service pour reconstituer des vols. Et là, je cite le monsieur, « Je viens d'un petit village de l'état de Haryana, appelé Kassan. Et je suis la première personne à être partie de ce village pour travailler en tant qu'ingénieur en aéronautique. » Ça, c'est le monsieur. « Quand je suis allé travailler pour India Airlines à New Delhi, ce fut quelque chose de très fort. Chaque fois que je suis revenu dans mon village ou quand les gens sont venus me rendre visite dans la capitale, ils voulaient me parler de mon travail. Aucun d'entre eux n'a jamais volé et beaucoup m'ont demandé de les faire monter dans un avion. Pour des raisons de sécurité, cela n'a jamais été possible. J'ai toujours été déçu de leur annoncer une réponse négative. Après quelques temps, j'ai commencé à penser que je devais faire quelque chose pour eux à l'extérieur de l'aéroport. En 2003, Bahadur Granakupa se lance cette année-là. Il vend un terrain et achète un vieil Airbus qu'il aménage en avion témoin pour ses démonstrations. Une fois qu'ils sont à bord, les passagers sur son vol ont droit à leur carte d'embarquement, une présentation de consignes de sécurité et même le passage du chariot repas dans l'allée centrale. Certains reçoivent même une petite leçon en vol dans le cockpit. Une petite leçon de vol dans le cockpit. Alors, je pense que l'idée est quand même très intéressante, mais en même temps, c'est un peu pathétique de voir que les gens veulent absolument aller dans un avion, même si c'est pour rien. En tout cas, hein? On va aller voir ça ici, quelque chose qui va nous hypnotiser et qui sert à rien. Un gâteau en chocolat animé qui va vous hypnotiser. Donc, du plaisir pour les yeux et du bonheur pour les papilles. Alexandre Dubosc a l'art de faire saliver les internautes avec ses réalisations de desserts pétillants et originaux. Donc, la dernière création du food artist français, le Melting Pop, une pièce montée en chocolat noir qui ne fait pas exception. Dans la vidéo que vous pouvez voir via la page Facebook du Dîner de cons, son délicieux Melting Pop prend vie à l'image d'un zoutrope, singulier jouet optique du 19e siècle qui donne l'illusion du mouvement pour raconter une histoire. Lointain ancêtre du dessin animé, ce gâteau à étage est un mélange sur ma vision de la pop, explique toujours Alexandre Dubosc dans sa description de sa vidéo. Sur les différents niveaux du gâteau au chocolat animé, le téléspectateur découvre à son tour des visages de Pac-Man dévorant des grains de maïs, des langues des Rolling Stones engloutissant des morceaux de popcorn, des pastilles Eat Me, aussi tentantes que dans les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, le tout est coiffé par une tasse de chocolat chaud dans laquelle se cache le visage de la lune du voyage dans la lune de Georges Méliès. Un dessert aux multiples références qui séduit aussi bien les gourmands que les adeptes de la pop culture. Une nouvelle mise en scène qui illustre la démarche inventive et l'exploration des limites d'une fascination alimentaire à travers l'image et les mots que le food artist raconte sur son site. Sur les réseaux sociaux, l'artiste culinaire partage avec ses fans ses créations animées qui donnent une autre dimension savoureuse et ludique aux aliments. Très, très, très intéressant. Allez voir ses vidéos. Ses photos aussi sur son compte. Et c'est drôle parce qu'en bas de cet article, il y a un autre article qui nous montre un top des pires gâteaux. Je vous le ferai pas en ondes, ça sert à rien, mais allez voir ça sur la page Facebook du Dîner de cons. On va se faire une nouvelle ici, technologique, avant d'aller plutôt en musique. C'est Facebook qui viderait la batterie de vos iPhones. Depuis sa dernière mise à jour, l'application Facebook provoquerait une baisse importante de l'autonomie des smartphones d'Apple, même lorsqu'elle n'est pas utilisée. C'est Matt Galligan, cofondateur de l'application Circa, qui a expliqué sur le site Medium avoir remarqué que Facebook mangeait la batterie de son téléphone, même en désactivant le rafraîchissement de l'arrière-plan. Un signe, estime certains internautes, que Facebook a trouvé le moyen de récolter des informations sur les utilisateurs en dépit de tout réglage. Le chercheur en sécurité informatique, Jonathan Zdziarski, explique sur Twitter que c'est la géolocalisation de l'application qui entraîne cette excessive consommation d'énergie. Lorsque vous vous déplacez, Facebook constituerait en effet un historique précis des déplacements. Il conseille simplement de désactiver le partage des données de géolocalisation. Donc, enlevez ça, votre GPS. Facebook affirme investiguer le problème, mais dément traquer les utilisateurs lorsque la géolocalisation n'est pas en marche, rapporte Motherboard. Et parlant de nouvelles insolites, c'en est toute une, vous allez voir. C'est hallucinant. C'est un homme qui est mort, hein, et qui joue au domino à sa propre veillée mortuaire. Donc, une mère puertoricaine a choisi une façon plutôt inusitée pour honorer la mémoire de son fils qui vient de mourir. Jomar Aguayo Colazo était âgé à peine de 23 ans lors de son décès par balle. C'était un grand amateur de domino. Sa mère a donc choisi de faire une mise en scène où l'on peut voir le défunt assis à une table dans un petit bar, dans un petit resto, là, un petit snack finalement. Il est assis à une table devant son jeu préféré, habillé en Adidas. Ils ont mis le mort sur une chaise, assis dans son kit d'Adidas sur une table en plastique. C'est d'un chic fou. Le directeur de la maison funéraire Martin de San Juan, qui a organisé la veillée de M. Colazo, a affirmé au Huffington Post que l'industrie des dioramas mettant en vedette des personnes décédées est en pleine expansion. Ben oui, mais c'est assez particulier quand même. Allez voir les images, là, c'est quelque chose. Autre chose qui est quelque chose, c'est une vidéo à glacer le sang qui contient des messages cachés et personne ne sait qui l'a créé. Et là, c'est quoi? C'est digne de Ringu, ça, ou du Cercle, hein, qui est l'adaptation américaine. Donc, cette vidéo enregistrée sur un DVD qui a prétendument été reçue par la poste par le site Gadget ZZ contient un nombre impressionnant de casse-têtes plus qu'obscurs les uns que les autres. Plusieurs internautes se sont mis donc au travail pour tenter de déchiffrer les mystères et tandis que certains d'entre eux ont été résolus, d'autres sont encore jusqu'à maintenant complètement inexpliqués. Le site prétend que le DVD contient une vidéo de 2 minutes d'une silhouette humaine déguisée d'un costume de docteur de l'époque de la peste avec le masque d'oiseau noir iconique. On se rappelle, on a déjà vu ça quelques fois dans des vieux films. Attention, si vous écoutez la vidéo, le volume de cette vidéo est assez élevé, donc il est conseillé de baisser le vôtre. Est-ce qu'on écoute un petit bout de cette vidéo maudite? Pourquoi pas? On voit que c'est dangereux. J'avoue, hein, c'est très, très mystérieux. Donc, je vais faire une pause là, parce que je veux vous raconter que l'audio qui accompagne la vidéo est plus que du simple bruit de fond. Un internaute a inséré la piste audio dans un spectrogramme et a découvert plusieurs images, dont l'une qui contient la phrase « You are already death », « Vous êtes déjà mort », et d'autres beaucoup plus macabres qui semblent montrer des corps mutilés. Donc, c'est dans la portion audio qu'on entend ça. La trame sonore qui accompagne le menu principal du DVD révèle aussi une image cachée qui est tout aussi terrifiante. Il y a plusieurs messages cachés contenus dans cette vidéo et les utilisateurs du site Reddit ont réussi à décoder un code en morse et la phrase « Red lips like 10th », une anagramme de « kill the président ». Tuer le président. Un autre casse-tête a été décodé en coordonnées 39, 89, 77, 09 et 77. En tout cas, on s'en fout, là. Ce qui, ça donne à être le code et ça donne à être des coordonnées de la Maison-Blanche même. Le titre et la description de la vidéo sont codés en langage binaire et se traduisent en espagnol. Le titre veut dire muerte, donc la mort, et la description de Tequada Juan Hanomenas, il vous reste une année de moins. C'est l'utilisateur Twitter Exen qui a publié une photo du lieu où la vidéo aurait été filmée. Ce serait l'asile abandonné de Zofioska, près de la ville de Otwock, qui est en Pologne. On reconnaît certains graffitis. Certains prétendent que la vidéo est un simple projet artistique ou un casse-tête imaginé par quelqu'un qui voulait créer quelque chose de viral. Et je pense que ça marche. Elle pourrait aussi être le début d'une campagne de marketing viral pour une télésérie, un film ou même un jeu vidéo. Peu importe qui est le responsable de ce casse-tête, il semble avoir réussi son coup comme l'intrigue a déjà piqué la curiosité de milliers d'internautes à travers le monde en très peu de temps. Aïe, aïe, hein? Assez hallucinant. Il y a un internaute qui dit que ça ressemble drôlement à la vidéo décrite dans le livre Inferno de Dan Brown, dont le film va sortir l'année prochaine. Et là, un autre qui rajoute, c'est exactement ça. Alors, ça pourrait être ça. Et ce qui est vraiment hot, moi, c'est le fait d'avoir ouvert dans un spectrogramme, l'audio de cette vidéo. Même moi, ça me tente d'utiliser ces sons. On va aller réécouter ces sons plus que étranges. Hein? Vraiment très étranges. Si on va plus voir plus loin. Ouais, ça fait très, très mystérieux, cette vidéo. Hein? On va en savoir plus, c'est clair, c'est une histoire à suivre. Il y a le parti Rhinocéros qui demande un recomptage. Vous connaissez cette formation politique plutôt humoristique ou sarcastique, devrais-je dire. Eh bien, c'est le candidat Dan Bingras, et non Dan Bigras, du parti Rhinocéros qui serait sur le point de demander un recomptage pour contester la victoire du conservateur Bernard Généreux. Donc, le parti Rhinocéros, cette formation satirique présentant des candidats avec des promesses complètement humoristiques et farfelues, eh bien, si leur humour se manifeste habituellement en campagne électorale, leur candidat Dan Bingras a décidé de poursuivre la satire après l'élection, ayant récolté 0,6% des voix dans la circonscription de Montmagny-Lillet, Kamouraska-Rivière-du-Loup, eh bien, il a émis un communiqué pour annoncer qu'il s'apprêtait à demander un recomptage. « Je considère avoir gagné dans ma circonscription, mais 0,6% de vote en plus des 37,3% d'électeurs inscrits qui n'ont pas voté dans la circonscription me donne une majorité de 37,9% des voix », affirme-t-il. Il précise que le taux d'absentéisme devrait être compilé en faveur du parti Rhinocéros en considérant les abstentionnistes comme des électeurs faisant un choix réel et démocratique. Le parti Rhinocéros obtient 8,9% de plus que Bernard Généreux. Un résultat serré entre les conservateurs Bernard Généreux et la libérale Marie-Josée Normand avait d'ailleurs laissé planer la possibilité d'un recomptage possible lundi dernier aux élections. M. Généreux a finalement été déclaré vainqueur à 1h30 du matin avec une majorité de seulement 265 voix. La circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup avait d'ailleurs connu un dépouillement serré à l'élection de 2011, menant à un recomptage judiciaire. Malgré le ton ironique du communiqué, Dan Bingras conclut sur une note plus sérieuse en promettant qu'une fois au pouvoir, un gouvernement rhinocéros majoritaire redonnerait à la population le goût à une démocratie participative et à une réappropriation de la politique. Vraiment, ben, s'il y a du bon là-dedans, il y a du bon, c'est bien drôle. Et ici, une vidéo virale d'un bébé dansant dans un bain. Moussant, scandalise. Là, moi, au début, tu sais, on se fait un préjugé. C'est les gens qui me disent qu'ils n'ont pas de préjugé, c'est parce qu'ils n'ont pas de conscience. Hein? Si tu as un préjugé, c'est parce que tu as un esprit, tu fais des liens. Ça ne veut pas dire que tes préjugés, il faut que tu les prennes à la lettre puis qu'il faut que tu les prennes pour du cash. Mais c'est ça. Moi, je me suis dit tout de suite, bon, là, il y a quelqu'un, parce qu'on voit un bébé tout nu, il y a du monde qui se sont fâchés, je me suis dit, guess, c'est cave. Mais là, quand tu vas voir plus loin dans l'article, tu peux comprendre ce qui scandalise les internautes, et je vous explique. Donc, le trouvant adorable, des parents ont décidé de filmer leur fils dansant dans le bain, hein, tout nu, et publier la vidéo en ligne. Moi, pour tout de suite, il n'y en a pas de problème. C'est alors qu'on découvre l'idée géniale des parents pour créer davantage de mousse dans le bain, utiliser un mélangeur électrique. Ben oui, son fils aime les bulles de savon. Une mère a eu la brillante idée de prendre son mélangeur électrique et le mettre dans l'eau pour faire davantage de mousse. Et comme il était adorable en dansant, les parents ont décidé de faire une vidéo et de la mettre en ligne. C'est ainsi que la vidéo est devenue virale, mais pas pour les raisons escomptées. Hein? Max est adorable alors qu'il danse sur Bubble Butt de Major Lazer. Mais ce n'est pas ça qui a provoqué la controverse sur YouTube. C'est que dans la vidéo, hein, il y a 4 mois, on voit très bien la mère prendre le mélangeur électrique, le mettre dans l'eau et on distingue aussi le fil électrique qui est branché dans la prise du mur. De nombreuses personnes ont été scandalisées par le fait d'utiliser un appareil électrique dans l'eau et on peut les comprendre. Il n'y est rien arrivé. Mais sérieux, ça n'en prenait peu là, pour qu'il arrive vraiment un accident. Elle et son bébé seraient morts sur le coup, mais le bébé, immédiatement, il aurait été pitché dans les airs. Et il serait mort à la Claude François. On pourrait dire ça de même. Moi, je te dis, j'ai tellement le goût que... on va s'envoyer du Claude François, tiens, pour un petit hommage, là. Claude François, ben oui, YouTube. Tiens, je viens de décider ça comme ça, à brûle pour point. On va y aller avec cette année-là, pourquoi pas, tiens. On y va avec Claude François, en l'honneur du bébé qui danse dans le bain puis qui s'électrocute, pourquoi pas. Look.